on baissa le mien. Henri qui s'est perçu sa bouche. Voilà les portes sans retouche de l'homme que je partira. Quand il me prend dans ce bois, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de délire, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il est mort de bonheur, dont je connais la cause. Sa place, les sons et les chagrins s'affancent pour mon plaisir. Quand elle est entre mes bras, elle me parle tout va, je vois la vie en rose. Elle me dit de mots d'amour, de mots de tous les jours. Fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, elle n'est pas de bonheur, dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie.